Activité 12. 1. Les immeubles sont grands. Il y a beaucoup de voitures. Je visite les musées et les monuments. C'est une belle ville. 2. Il y a une forêt et un grand lac. Il y a des bruits d'animaux. Et le silence. Ce sont de belles vacances. 3. Je suis contente de partir en vacances avec toi. Dans ma valise, je mets ma serviette, mes lunettes de soleil et mon billet d'avion.